Madame de Longueville. Les noms de Madame de La Fayette et de M. de La Rochefoucauld, auxquels on s'est précédemment arrêté, semblent en appeler un autre, lié naturellement au leur par toutes sortes de relations attrayantes, de convenances et de réverbérations plus ou moins mystérieuses. Madame de Longueville, dans sa délicate puissance, est encore à peindre. Sa vie, qui s'est partagée en deux moitiés contraires, l'une d'ambition et de galanterie, l'autre de dévotion et de pénitence, n'a trouvé le plus souvent que des témoins trop préoccupés d'un seul aspect. Madame de Sévigné, seule, dans une lettre célèbre, a éclairé l'ensemble du portrait au plus pathétique moment. Pour nous, à qui une rencontre inévitable l'a offerte, pour ainsi dire au milieu et au cœur d'un sujet que nous traitions, il nous a été donné de la suivre, et nous avons eu comme l'honneur de la fréquenter en des heures de retraite, et à travers ses dispositions les plus cachées. Elle nous apparaissait la plus illustre pénitente et protectrice de Port-Royal durant des années. C'est d'elle et de sa présence en ce monastère que dépendit uniquement, vers la fin, l'observation de la paix de l'Église. C'est sa mort qui la rompit. Sans prétendre retracer une vie si diverse et si fuyante, il y a eu devoir et plaisir pour nous à bien saisir du moins cette physionomie à laquelle s'attache un enchantement immortel et qui, même sous ses voiles redoublés, nous venait sourire du fond de notre cadre austère. Nous l'en détachons pour la donner ici. Mademoiselle Anne Geneviève de Bourbon, fille d'une mère bien belle, Charlotte de Montmorency, princesse de Condé, et dont la beauté, si fort convoitée par Henri IV, avait failli susciter aussi bien des guerres, parut très jeune à la cour, et y apporta, près de Madame la princesse, encore hautement brillante, les premiers charmes de cet angélique visage qui, depuis, a eu tant d'éclat, et dont l'éclat a été suivi de tant d'événements fâcheux et de souffrances salutaires. Expression de Madame de Motteville. Ses plus tendres pensées pourtant furent à la dévotion. Sa fin ne fit que réaliser et ressaisir les rêves mystiques de son enfance. Elle accompagnait souvent Madame la Princesse au Carmélite du Faubourg Saint-Jacques. Elle y passait de longues heures, qui se peignirent d'un cercle idéal en son imagination d'azur, et qui se retrouvèrent tout au vif dans la suite, après que le tourbillon fut dissipé. Elle avait 13 ans, 1632, quand son oncle Montmorency fut immolé à Toulouse, aux vengeances et à la politique du cardinal. Cette jeune nièce, frappée dans sa fierté comme dans sa tendresse d'un coup si sensible, eut volontiers imité l'auguste veuve, et voué dès lors son deuil à la perpétuité monastique. Cependant sa mère commençait à craindre trop de penchant en elle vers les bonnes carmélites. Elle croyait trouver que ce blond et angélique visage ne s'apprêtait pas à sourire assez au monde brillant qu'il allait juger sur les premiers pas. À quoi Mademoiselle de Bourbon répondait avec une flatterie instinctive qui démentait déjà les craintes. Guillemet, vous avez, madame, des grâces si touchantes que, comme je ne vais qu'avec vous, et ne parais qu'après vous, on ne m'en trouve point. Fin des guillemets. Note. J'emprunte beaucoup pour ses commencements à la véritable vie de la duchesse de Longueville par Villefort, 1739. Le tour de l'esprit de Madame de Longueville perce d'abord dans ce mot-là. On raconte que, lorsqu'il s'agit du premier bal où Mademoiselle de Bourbon dut aller pour obéir à sa mère, ce fut chez les carmélites un grand conseil. Il fut décidé, pour tout concilier, qu'avant d'affronter le péril, elle s'armerait en secret, sous sa parure, d'une petite cuirasse appelée cilice. Cela fait, on crut avoir pourvu à tout, et Mademoiselle de Bourbon ne s'occupa plus qu'à être belle. À peine entrée au bal, ce fut autour d'elle un murmure universel d'admiration et de louange. Son sourire, dont sa mère avait un instant douté, y répondit et ne cessa plus. Délicieux ravage. Le cilice à l'instant s'émoussa et, à partir de ce jour, les bonnes carmélites eurent tort. Elle y pensa pourtant encore par intervalles. Dans ses plus grandes dissipations, elle entretenait de ce côté quelques commerces de lettres. elle leur écrivait à chaque assaut, à chaque douleur. Elle leur revint à la fin et se partagea entre elle et Port-Royal. Elle était chez ces mêmes carmélites du faubourg Saint-Jacques lorsqu'elle mourut. Elle y était lorsque Madame de la Vallière y entra et, parmi les assistants touchés, on put la remarquer pour l'abondance de ses larmes. La vie de Madame de Longueville a de ces symétries harmonieuses, de ces accords et de ces retours qui la font aisément poétique et auxquels l'imagination, malgré tout, se laisse ravir. C'est ainsi, j'ai omis de le dire, qu'elle était née au château de Vincennes, durant la prison du prince de Condé, son père, 1619, à ce Vincennes où son frère, le grand Condé, captif, cultivera des œillets un jour, à ce Vincennes de Saint-Louis, destiné à porter au front, dans l'avenir, l'éclaboussure du sang du dernier Condé. Elle fréquenta beaucoup, avec le duc d'Enghien, l'hôtel de Rambouillet, alors dans sa primeur, et l'on a des lettres à elle de M. Godot, évêque de Grasse, qui sont toutes pleines de myrtes et de roses. Ce genre d'influence fut sérieux sur elle, et sa pensée, même repentante, s'en ressentira toujours. À cette époque, et avant que la politique s'en mêlât, elle et son frère, et cette jeune cabale, déjà décidée à l'être, ne songeait encore, est-il dit, mémoire de Madame de Nemours, qu'à faire briller leur esprit dans des conversations galantes et enjouées, qu'à commenter et raffiner à perte de vue sur les délicatesses du cœur. Il n'y avait pour eux d'honnêtes gens qu'à ce prix-là. Tout ce qui avait un air de conversation solide leur semblait grossier, vulgaire. C'était une résolution et une gageure d'être distingué, comme on aurait dit 60 ans plus tard, d'être supérieur, comme on dirait aujourd'hui. On disait alors précieux. Mademoiselle de Bourbon avait 23 ans, 1642, lorsqu'on la maria au duc de Longueville, âgé de 47 ans, déjà veuf d'une princesse de plus de vertu que d'esprit, que j'ai montrée ailleurs. Port-Royal, tome 1, livre 1, chapitre 12. Très liée avec les mères de Port-Royal durant l'époque dite de l'Institut du Saint-Sacrement et dans la période de M. Zamet. Il en avait une fille déjà âgée de 17 ans qui, avant d'être duchesse de Nemours, resta longtemps auprès de sa jeune belle-mère, nota tous ses écarts et finalement, en ses mémoires, ne lui fit grâce d'aucun. Le duc de Longueville pouvait passer pour le plus grand seigneur de France, mais il ne venait qu'après les princes du sang. C'était un peu des cendres pour Mademoiselle de Bourbon. Son père, Monsieur le Prince, l'avait forcée à ce mariage. Elle fit bonne contenance. Dès les premiers temps, un grand éclat vint irriter à la fois et flatter sa passion glorieuse et donner jour aux vanités de son cœur. Monsieur de Longueville, outre la disproportion de son âge, avait le tort de paraître aimer Madame de Montbazon. Les deux rivales n'eurent pas de peine à se haïr. Un jour, qu'il y avait cercle chez Madame de Montbazon, quelqu'un ramassa une lettre perdue, sans adresse ni signature, mais qui semblait d'une main de femme, écrivant tendrement à quelqu'un qu'on ne haïssait pas. On lut et relut la lettre, on chercha à deviner, on décida bientôt qu'elle devait être de la duchesse de Longueville, et qu'elle était tombée à coup sûr de la poche du comte de Coligny qui venait de sortir. Il paraît bien réellement qu'à dessein ou non, on se trompait. Cette atteinte était la première qu'on eût encore portée à la vertu de la jeune duchesse. On redit le malin propos, sans trop y croire. Au premier bruit qui en vint aux oreilles de l'offensée, celle-ci, qui savait que l'histoire était fausse, mais qui se réservait tout bas peut-être de la rendre vraie, crut qu'il était mieux de se taire. Madame la princesse, sa mère, ne le souffrit pas, et prit la chose du ton d'une personne toute fière d'être entrée dans la maison de Bourbon. Elle exigea des réparations solennelles. Sa plainte devint une affaire d'État. On était alors dans la première année de la régence. Mazarin essayait son pouvoir, et ce fut pour lui la première occasion de démêler les intrigues de cour, de mettre de côté les amis de Madame de Montbazon, Beaufort et les importants. Madame de Motteville déduit tout cela en perfection. La rédaction des paroles d'excuse fut débattue et arrêtée dans le petit cabinet du Louvre, en présence de la reine. On les écrivit sur les tablettes mêmes du cardinal, qui faisait son jeu sous cette comédie. Puis on les copia sur un petit papier que Madame de Montbazon attacha à son éventail. Elle se rendit à heure fixe chez Madame la Princesse et lut le papier, mais d'un ton fier et qui semblait dire « Je m'en moque ». À peu de temps de là, Coligny, par suite de cette prétendue lettre, appelait le duc de Guise, qui tenait pour Madame de Montbazon. Ils se battirent sur la place royale. Coligny reçut une blessure dont il mourut, et on assura que Madame de Longueville était cachée derrière une fenêtre à voir le combat. Au moins, tout ce bruit pour elle l'avait charmée. C'était l'hôtel de Rambouillet en action. Coligny y allait trouver son compte s'il avait vécu. Était-ce avant ou après cette aventure que Madame de Longueville fut atteinte de la petite vérole? Ce fut probablement un peu avant. Elle l'eut l'année même de son mariage, et sa beauté s'en tira sans trop d'échecs. L'éclipse fut des plus passagères. Guillemets. Pour ce qui regarde Madame de Longueville, dit Retz, la petite vérole lui avait ôté la première fleur de sa beauté, mais elle lui en avait laissé presque tout l'éclat, et cet éclat, joint à sa qualité, à son esprit et à sa langueur qui avait en elle un charme particulier, la rendait une des plus aimables personnes de France. Fin des guillemets. Monsieur de Grasse se croyait plus fidèle à son caractère d'évêque en lui écrivant, dès qu'elle fut rétablie, guillemets, « Je loue Dieu de ce qu'il a conservé votre vie. Pour votre visage, un autre que moi se réjouira avec plus de bienséance qu'il n'est pas gâté. Mademoiselle Paulet me le manda. J'ai si bonne opinion de votre sagesse que je crois que vous eussiez été bien aisément consolé si votre mal y eût laissé des marques. Elles sont souvent des caractères qui gravent la divine miséricorde pour faire lire aux personnes qui ont trop aimé leur teint que c'est une fleur sujette à se flétrir devant que d'être épanouie, et qui, par conséquent, ne mérite pas qu'on la mette au rang des choses que l'on peut aimer. » Fin des guillemets. Le courtois évêque, ne s'étant si complaisamment sur ces traces miséricordieuses au visage que parce qu'il est sûr, par Mademoiselle Paulet, qu'il n'y en a point. Madame de Motteville va plus loin. Elle nous décrit, même après cet accident, cette beauté qui consistait plus dans certaines nuances incomparables du teint. Note. Glycerae nitor et vultus nimium lubricus aspici. Horace, Ode 1.19. Un teint de perles. Reprise. Cette beauté qui consistait plus dans certaines nuances incomparables du teint que dans la perfection des traits. Ses yeux moins grands que doux et brillants, d'un bleu admirable, pareil à celui des turquoises, et les cheveux blonds argentés qui accompagnaient à profusion ses merveilles semblaient d'un ange. Avec cela, une taille accomplie, ce je ne sais quoi qui s'appelait bon air, air galant dans toute la personne, et de tout point une façon suprême. Personne, en l'approchant, n'échappait au désir de lui plaire. Son agrément irrésistible s'étendait jusque sur les femmes. Note. Après ces témoignages d'une personne aussi véridique que Madame de Motteville, et d'un connaisseur désintéressé ici comme Retz, je n'ai garde d'aller demander à cette méchante langue, à ce fou de Brienne, quelques détails moins enchanteurs sur une telle beauté, détails suspects et qui ne se rapporteraient d'ailleurs qu'à l'époque déclinante. Ce qui est certain de Madame de Longueville, c'est que, sans posséder peut-être de certains attraits complets, elle sut avoir toute la grâce. Reprise. Le duc de Longueville, tout descendant de Dunois qu'il était, avait en lui peu de chevaleresque. C'était un grand seigneur, magnifique et pacifique, sans humeur, assez habile dans les négociations, autant qu'un indécis peut l'être. On l'envoya poursuivre celle de Münster. Madame de Longueville ne l'y alla rejoindre qu'au bout de 2 ans, 1646, et lorsque déjà le prince de Marcillac avait fait sur elle une impression qu'il avait également reçue. Le monde diplomatique et les honneurs dont elle fut l'objet la laissèrent nonchalante et assez rêveuse. Elle en pensait volontiers ce qu'elle dit un jour en bâillant de la pucelle de Chapelain qu'on lui voulait faire admirer. « Oui, c'est bien beau, mais c'est bien ennuyeux. »« Ne vaut-il pas mieux, madame, lui écrivait durant ce temps le soigneux monsieur de Grasse, que vous reveniez à l'hôtel de Longueville, où vous êtes encore plus plénipotentiaire qu'à Münster. Chacun vous y souhaite cet hiver. Monseigneur, votre frère est revenu chargé de palmes. Revenez, couverte des myrtes de la paix, car il me semble que ce n'est pas assez pour vous que des branches d'olivier. » Elle reparut en effet à Paris en mai 1647. Cette année d'absence avait encore renchéri son prix. Le retour mit le comble à son succès. Tous les désirs la cherchèrent. Sa ruelle, est-il dit, devint le théâtre des beaux discours, du fameux duel des deux sonnets, et aussi de préludes plus graves. Pour parler le langage de M. Godot, les myrtes commençaient à cacher des glaives. Son frère, le victorieux, jusque-là si uni à ses sentiments, peu à peu s'en sépare, elle s'en irrite. Son autre frère, le prince de Conti, s'enchaîne de plus en plus à elle. Marcillac saisit décidément le gouvernail de son cœur. Suivre la vie de Madame de Longueville à cette époque, dans les rivalités commençantes, dans les intrigues et bientôt les guerres de la Fronde, ce serait se condamner, chose agréable d'ailleurs, à émietter les mémoires du temps. Ce serait surtout vouloir enregistrer tous les caprices d'une âme ambitieuse et tendre, où l'esprit et le cœur sont dupes sans cesse l'un de l'autre. Ce serait prétendre suivre pas à pas l'écume légère, la risée des flots. Inuento et rapida scibere oportet aqua. Note. Quatre livres de mémoire bien lus suffisent. Retz et La Rochefoucauld, Mesdames de Motteville et de Nemours. Reprise. Attachons-nous au caractère. La Rochefoucauld, qui eut plus que personne qualité pour la juger, nous a dit déjà, et je répète ici ce passage trop essentiel au portrait de Madame de Longueville pour ne pas être rappelé, Guillemet, cette princesse avait tous les avantages de l'esprit et de la beauté en si haut point et avec tant d'agrément qu'il semblait que la nature avait pris plaisir de former en sa personne un ouvrage parfait et achevé. Mais ses belles qualités étaient moins brillantes à cause d'une tache qui ne s'est jamais vue en une personne de ce mérite, qui est que, bien loin de donner la loi à ceux qui avaient une particulière adoration pour elle, elle se transformait si fort dans leurs sentiments qu'elle ne reconnaissait plus les siens propres. Fin des guillemets. La Rochefoucauld ne put d'abord se plaindre de ce défaut, puisqu'il lui dut de la conduire. Ce fut l'amour qui chez elle éveilla l'ambition, mais il l'éveilla si vite, pour ainsi dire, qu'il ne s'en distingua jamais. Contradiction singulière. Plus on considère la politique de Madame de Longueville, et plus elle se confond avec son caprice amoureux. Mais, si l'on sert de près cet amour lui-même, et plus tard elle nous l'avouera, il semble que ce n'est plus que de l'ambition travestie, un désir de briller encore. Son caractère manquait donc tout à fait de consistance, de volonté propre, et son esprit, notons-le bien, si brillant et si fin qu'il fût, n'avait rien qui s'opposât trop directement à ce manque de caractère. On peut voir juste et n'avoir pas la force de faire juste. On peut avoir de la raison dans l'esprit et pas dans la conduite, le caractère entre les deux faisant faute. Mais ici, le cas diffère. L'esprit de Madame de Longueville n'est pas avant tout raisonnable. Il est fin, prompt, subtil, ingénieux, tout en repli. Il suit volontiers son caractère, qui lui-même fuit. Il brille volontiers dans les entrecroisements et les détours, avant de se consumer finalement dans les scrupules. Il y a beaucoup de l'hôtel Rambouillet dans cet esprit-là. Guillemet. L'esprit de la plupart des femmes sert plus à fortifier leur folie que leur raison. Fin des guillemets. C'est encore l'auteur des Maximes qui dit cela, et Madame de Longueville, avec toutes ses métamorphoses, lui était certainement présente lorsqu'il l'a dit. Elle, la plus féminine des femmes, lui put servir du plus bel abrégé de toutes les autres. Au reste, s'il a observé évidemment d'après elle, elle aussi semble avoir conclu d'après lui. L'accord est parfait. La confession finale de Madame de Longueville, que nous lirons, ne nous paraîtra que la traduction chrétienne des maximes. Retz, moins engagé à ce sujet que La Rochefoucauld, et qui aurait bien voulu l'être autant, a merveilleusement parlé de Madame de Longueville. C'est l'unique gloire de notre portrait de rassembler tous ses traits. Guillemets. Madame de Longueville a naturellement, dit-il, bien du fond d'esprit, mais elle en a encore plus le fin et le tour. Sa capacité, qui n'a pas été aidée par sa paresse, n'est pas allée jusqu'aux affaires dans lesquelles la haine contre M. le Prince l'a portée, et dans lesquelles la galanterie l'a maintenue. Elle avait une langueur dans les manières qui touchait plus que le brillant de celle même qui était plus belle. Elle en avait une même dans l'esprit, qui avait ses charmes, parce qu'elle avait des réveils lumineux et surprenants. Elle eût eu peu de défauts si la galanterie ne lui en eût donné beaucoup. Comme sa passion l'obligea à ne mettre la politique qu'en second dans sa conduite, d'héroïne d'un grand parti, elle en devint l'aventurière. La grâce a rétabli ce que le monde ne lui pouvait rendre. Fin des guillemets. Autant, dans la Fronde, on voit Madame de Longueville supérieure comme esprit à Madame de Montbazon, par exemple, ou à Mademoiselle de Chevreuse, ce qui est trop peu dire, ou même à Mademoiselle, autant elle reste inférieure à son amie, la princesse Palatine, véritable génie, ferme, ayant le secret de tous les partis, et les dominant, les conseillant avec loyauté et sang-froid. Non pas l'aventurière, elle, mais l'homme d'État de la Fronde. Je ne crois pas que la reine Élisabeth ait eu plus de capacité pour conduire un État, dit Retz. Pourquoi Bossuet n'a-t-il pas célébré Madame de Longueville comme il a fait cette autre princesse pénitente, dont il prononçait l'oraison funèbre dans l'église de ces mêmes carmélites du faubourg Saint-Jacques? Monsieur le prince, qui lui demanda cet éloquent office pour la mémoire de la Palatine, n'eut pas l'idée, à ce qu'il paraît, quelques années auparavant, de lui exprimer le même désir à l'égard de sa sœur. En jugea-t-il l'accomplissement par trop impossible dans cette bouche retentissante? Les difficultés, en effet, étaient grandes. La pénitence même de Madame de Longueville avait gardé quelque chose de rebelle. Bossuet n'aurait pu dire ici bien haut, comme de la princesse Palatine, « Sa foi ne fut pas moins simple que naïve. » Dans les fameuses questions qui ont troublé en tant de manières le repos de nos jours, elle déclarait hautement qu'elle n'avait d'autre part à y prendre que celle d'obéir à l'Église. Port-Royal eût été un écueil plus périlleux à toucher que la Fronde. On aurait pu encore, dans l'arrière-fond, faire, jusqu'à un certain point, vaguement pressentir M. de La Rochefoucauld ou M. de Nemours, mais non pas M. Singlin. Comme pourtant quelques traits du puissant orateur auraient fixé, dans une majesté gracieuse, cette figure d'éblouissante langueur, ce caractère d'ingénieuse et séduisante faiblesse, d'une faiblesse qui ne fut jamais plus agissante que quand elle était plus subjuguée. Comme elle se fut admirablement dessinée dans ce même fond de tempête et de tourbillon civil, où il a jeté et détaché l'autre princesse. On connaît cette grande page sur la Fronde, on ne la saurait trop rouvrir. J'y renvoie. Note. Oraison funèbre d'Anne de Gonzague, depuis ces mots, guillemets, pour la plonger entièrement dans l'amour du monde, point de suspension, jusqu'à cette phrase. « Ô Éternel, roi des siècles, voilà ce qu'on vous préfère, voilà ce qui éblouit les âmes qu'on appelle grandes. » Fin des guillemets. Reprise. Il ne l'eût pas écrite autrement pour cette oraison funèbre absente qui est un de mes regrets. À défaut de cette grandeur de peinture qui nous supprimerait, la chronique des mémoires est là qui nous soutient. En me servant de la clé que fournit La Rochefoucauld, j'ai pu déjà, dans le portrait de ce dernier, simplifier et dire comment la direction de Madame de Longueville fut autre avant l'époque de la prison des princes, et après cette prison. Dans le premier temps, c'est-à-dire pendant le siège de Paris, 1648, brouillée avec le prince de Condé, elle ne suivit que les intérêts et les sentiments de M. de La Rochefoucauld. Elle les suivait encore lorsque, après la signature de la paix, avril 1649, elle postulait pour lui en cour brevets et privilèges. Lorsque, après l'arrestation des princes, ses frères, janvier 1650, elle s'enfuyait avec toutes sortes de périls de Normandie en Hollande par mer. Note. Ses aventures près de Dieppe furent romanesques. Elle erra plusieurs jours le long des côtes. Si elle avait pu faire dans le pays une Vendée, ou, comme on disait alors, une Fronde, elle l'aurait entreprise, et se sentait de cœur pour cela. Elle trouva enfin à s'embarquer à bord d'un vaisseau anglais, et y fut reçue sous le nom d'un gentilhomme qui s'était battu en duel. Reprise. Elle s'enfuyait avec toutes sortes de périls de Normandie en Hollande par mer, et arrivait, bien glorieuse enfin à Stenay, où elle traitait avec les Espagnols et troublait Turenne. À son retour en France, après la sortie des princes, et dans les préliminaires de la reprise d'armes, elle semblait suivre encore les mêmes sentiments, bien qu'avec un abandon moins décidé. On la voit dans ses conseils près de M. le Prince à Saint-Maur, tantôt vouloir l'accommodement parce que M. de La Rochefoucauld le désire, tantôt vouloir la rupture parce que la guerre l'éloigne de son mari, qu'elle n'avait jamais aimé, dit Retz, mais qu'elle commençait à craindre. Et il ajoute, « Cette constitution des esprits auquel M. le Prince avait affaire eût embarrassé Sertorius. » Fin des guillemets. Note. Le Montais, dans sa notice sur Madame de Longueville, dit qu'on a pu définir ainsi les dernières années de la guerre civile, tournoi de deux femmes, Geneviève de Condé et Anne d'Autriche, l'une pour fuir son mari, l'autre pour rapprocher son cardinal. Reprise. Fâcheux et bizarre augure, cette aversion pour le mari combattait ici les intérêts de l'amant, et pour celui-ci, non pas triompher, c'était déchoir. Enfin, les sentiments de M. de La Rochefoucauld cessent positivement d'être la boussole de Mme de Longueville. Elle semble accueillir sans défaveur les hommages de M. de Nemours. Elle les perd peu après par l'intrigue de Mme de Châtillon, qui les ressaisit comme son bien et qui, en même temps, trouve moyen d'obtenir ceux du prince de Condé, lequel échappe de nouveau à la confiance de sa sœur. C'est M. de La Rochefoucauld, dont la politique et la vengeance ont concerté cette revanche trois fois ulcérante pour Madame de Longueville. Elle était déjà d'ailleurs brouillée ouvertement avec son autre frère, le prince de Conti, qu'elle avait jusqu'alors absolument gouverné et même subjugué. Note. Ses relations avec ses deux frères eurent tout le train et toute l'apparence orageuse des passions. Le prince de Conti en particulier, dès son entrée dans le monde, s'était mis sur le pied de lui plaire plutôt en qualité d'honnête homme que comme frère. Est-il possible de dire plus et en même temps de dire moins? Ce ne peut être qu'une femme, Madame de Motteville, qui ait trouvé cela. Reprise. Elle perd bientôt ses derniers restes d'espoir sur M. de Nemours, qui est tué en duel par M. de Beaufort. Et dès ce moment, sa colère, sa haine contre lui, tournent en larmes, comme s'il lui était pour la première fois enlevé. Vers le même temps, la paix finale se conclut, octobre 1652. La cour et le Mazarin triomphent. La jeunesse fuit, et sans doute aussi la beauté commence à suivre. Tout manque donc à la fois, ou va manquer, à Madame de Longueville. Étant encore à Bordeaux et d'un couvent de bénédictines où elle s'était logée aux approches de cette paix, elle écrivait à ses chères carmélites du faubourg Saint-Jacques, avec lesquelles, dans les plus grandes dissipations, elle n'avait jamais tout à fait rompu. Guillemets. Je ne désire rien avec tant d'ardeur présentement que de voir cette guerre-ci finie, pour m'aller jeter avec vous pour le reste de mes jours. Si j'ai eu des attachements au monde, de quelque nature que vous les puissiez imaginer, ils sont rompus et même brisés. Cette nouvelle ne vous sera pas désagréable. Je prétends que, pour me donner une sensibilité pour Dieu que je n'ai point encore, et sans laquelle je ferais pourtant l'action que je vous ai dite, si l'on avait la paix, vous me fassiez la grâce de m'écrire souvent, et de me confirmer dans l'horreur que j'ai pour le siècle. Mandez-moi quelques livres, vous me conseillez de lire. » Fin des guillemets. Antérieurement à cette époque, on a des lettres d'elle à ces mêmes religieuses. Chaque malheur, je l'ai dit, y ramenait involontairement son regard. Elle leur avait écrit lorsqu'elle avait perdu une petite fille, et à la mort aussi de Madame la Princesse, sa mère. Celle-ci mourut pendant que la duchesse était à Stenay. Note. Un éloquent détail à ce sujet nous revient par les mémoires de M. de Chateaubriand. En ce passage, dont sa bienveillance nous a permis de nous décorer. Guillemets. La princesse de Condé, près d'expirer, dit à Madame de Brienne : « Ma chère amie, mandez à cette pauvre misérable qui est à Stenay l'état où vous me voyez, et qu'elle apprenne à mourir. » Belle parole ! Mais la princesse oubliait, continue M. de Chateaubriand, qu'elle-même avait été aimée de Henri IV. Qu'emmenée à Bruxelles par son mari, elle avait voulu rejoindre le Béarnais, s'échapper la nuit par une fenêtre, et faire ensuite 30 ou 40 lieues à cheval. Elle était alors une pauvre misérable de 17 ans. Fin des guillemets. Reprise. C'est de là qu'en réponse aux condoléances venues du monastère, octobre 1650, partit une touchante lettre adressée à la mère sous-prieure pour solliciter d'elle des particularités sur les circonstances de cette mort. Guillemets. C'est en m'affligeant que je me dois soulager, écrivait Madame de Longueville. Ce récit fera ce triste effet, et c'est pourquoi je vous le demande. Car enfin, vous voyez bien que ce ne doit point être le repos qui succède à une douleur comme la mienne, mais un tourment secret et éternel, auquel aussi je me prépare, et à le porter en la vue de Dieu et de ceux de mes crimes qui ont appesanti sa main sur moi. Il aura peut-être agréable l'humiliation de mon cœur et l'enchaînement de mes misères profondes. Adieu, ma chère mère, mes larmes m'aveuglent, et s'il était de la volonté de Dieu qu'elle causasse la fin de ma vie, elle me paraîtrait plutôt les instruments de mon bien que les effets de mon mal. » Fin des guillemets. Monsieur de Grasse ne cessait aussi de lui écrire. Il l'avait fait avec une sorte d'éloquence sur cette mort. Ainsi s'était conservé, même aux saisons du plus prodigue délire, des trésors secrets de cœur chez Madame de Longueville. Ses larmes, à temps renouvelées et abondantes, empêchaient de tarir en elles les sources cachées. Une vie vraiment nouvelle, pourtant, va commencer. Elle a 34 ans. Elle quitte Bordeaux par ordre de la cour, s'avance jusqu'à Montreuil-Bellay, domaine de son mari en Anjou, et de là jusqu'à Moulins. En cette ville, elle descend aux filles de Sainte-Marie, et y visite le tombeau du duc de Montmorency, son oncle, dont la mort tragique l'avait tant touchée à cet âge encore pur de 13 ans, et lui devenait d'une bien haute leçon, aujourd'hui qu'elle-même sortait vaincue des factions civiles. Sa tante, veuve de M. de Montmorency, était supérieure de ce monastère. Un exemple de si chaste et pieuse uniformité agit plus que tout sur cette imagination aisément saisie, sur cette âme à peine échouée et encore trempée du naufrage. Un jour, à Moulins, au milieu d'une lecture de piété, guillemets, il se tira, c'est elle-même qui parle, comme un rideau de devant les yeux de mon esprit. Tous les charmes de la vérité, rassemblés sous un seul objet, se présentèrent devant moi. La foi, qui avait demeuré comme morte et ensevelie sous mes passions, se renouvela. Je me trouvais comme une personne qui, après un long sommeil où elle a songé qu'elle était grande, heureuse, honorée et estimée de tout le monde, se réveille tout d'un coup et se trouve chargée de chaînes, percée de plaies, abattue de langueur et renfermée dans une prison obscure. » Fin des guillemets. Après 10 mois de séjour à Moulins, elle fut rejointe par le duc de Longueville, qui l'emmena avec toutes sortes d'égards dans son gouvernement de Normandie. De nouvelles atteintes s'ajoutaient à chaque instant aux anciennes. la moindre annonce de quelque succès de M. le Prince, qui avait passé aux Espagnols, et qui n'y était en définitive que par suite des suggestions de sa sœur, ravivait tous les remords de celle-ci, et prolongeait l'équivoque de sa situation par rapport à la cour. Elle se réconcilia en ces années avec le prince de Conti, et se lia étroitement avec la princesse de Conti, sa belle-sœur, qui, nièce du Mazarin, rachetait ce sang suspect par de hautes vertus. Ces trois personnes devinrent bientôt à l'envi des émules dans les voies de la conversion. Pourtant, Madame de Longueville manquait de direction encore, et avec son genre de caractère, avec cette habitude de ne suivre jamais que ses sentiments adoptifs, et de ne les régler que sur une volonté préférée, elle avait plus que personne besoin d'un guide très ferme. Elle écrivait de Rouen pour demander conseil à Madame de Montmorency, sa tante, à une amie intime, la sous-prieure des Carmélites de Paris, Mademoiselle du Vigan, à d'autres encore. Note. Mademoiselle du Vigan avait été aimée du duc d'Enghien autrefois, avant la Fronde. Il voulait même se démarier, dit-on, et l'épouser. Ces amours traversés par Madame de Longueville, qui en avertit M. le Prince, son père, avaient eu, du côté de la dame, le cloître pour tombeau. Reprise. Elle s'adressa à l'abbé Le Camus, depuis évêque de Grenoble et cardinal, récemment converti lui-même, et qui lui répondait « Dieu vous mènera plus loin que vous ne pensez, et demande de vous des choses dont il n'est pas encore temps de vous parler. Quand on examine sa conduite sur les principes de l'Évangile, on y trouve des vides effroyables. » Mais le médecin éclairé, et qui sut prendre en main cette âme oscillante et endolorie, tardait toujours. C'est alors que les conseils de M. de Bernières, de M. le Nain peut-être, père de M. de Tillemont et chef du conseil de Mme de Longueville, à coup sûr l'entremise de Mme de Sablé, indiquèrent à la postulante en peine Port-Royal et ses directeurs. À la date d'avril 1661, on lit dans une lettre de la mère Angélique à Mme de Sablé qu'elle avait vu Mme de Longueville et l'avait trouvée plus solide et plus mûrie qu'on ne la lui avait annoncée. « Tout ce que j'ai vu en peu de temps de cette princesse m'a semblé tout d'or fin. » M. de Singlin, déjà obligé à cette époque de se cacher pour éviter la Bastille, consentit à se rendre près de Mme de Longueville, et il fut celui qui le premier éclaira et régla sa pénitence. Je trouve une lettre de Mademoiselle de Vertu à Madame de Sablé, ainsi conçue, car selon moi tous les détails ont du prix, touchant des personnes si élevées, si délicates et finalement si respectables. Guillemets. Enfin, je reçus hier au soir un billet de la dame, Madame de Longueville. On vous supplie donc de faire en sorte que votre ami, M. Singlin, vienne demain ici. Afin qu'on n'ait pas l'inquiétude qu'il soit connu dans son quartier, il peut venir en chaise et renvoyer ses porteurs. Et je lui donnerai les miens pour le reporter où il lui plaira. S'il lui plaît de venir dîner, on le mettra dans une chambre où personne ne le verra qui le connaisse. Et il est mieux, ce me semble, qu'il vienne d'assez bonne heure, c'est-à-dire entre 10 et 11 heures au plus tard. J'ai bien envie que cela soit fait, car cette pauvre femme... Note. Cette pauvre femme, Madame de Sévigné, parlant de la mort de M. de Turenne, dit « Ce pauvre homme !» Si grand que nous soyons, ou que nous croyons être, il est plus d'une circonstance. Il viendra tôt ou tard un jour où l'on dira de nous « Ce pauvre homme !» Cette pauvre femme, et l'on ne dira que juste par cette expression de pitié qui sera encore, à bien prendre, une générosité d'âme. Reprise. J'ai bien envie que cela soit fait, car cette pauvre femme n'a pas de repos. Faites bien prier Dieu, je vous en conjure. Si je la puis voir en d'aussi bonnes mains, j'aurai une grande joie, je vous l'avoue. Il me semble que je serai comme ces personnes qui voient leur amie pourvue et qui n'ont plus qu'à se tenir en repos pour elle. C'est que, dans la vérité, cette personne se fait d'étranges peines, qu'elle n'aura plus quand elle sera fixée. j'ai bien peur que votre ami ait trop de dureté pour nous. Enfin, il faut prier Dieu et lui recommander cette affaire. » Note. Bibliothèque du Roi, manuscrit. Papier de Madame de Sablé, résidu de Saint-Germain, paquet 4, numéro 6, 7e portefeuille. Je maintiens ces indications techniques qui marquent ma priorité dans cet ordre de recherche si couru et si exploité depuis. Reprise. Monsieur Singlin, une fois introduit, revint souvent. Il faisait ses visites déguisé en médecin et sous l'énorme perruque qui était alors de rigueur. Il avait besoin de se dire, pour se justifier à lui-même ce déguisement, qu'il était bien médecin, en effet. On le tint quelque temps caché à Méru, dans la terre de la princesse. Est-ce trop raffiné que de croire que ces mystères, ces précautions infinies et concertées, en vue de la pénitence, étaient, pour Madame de Longueville, comme un dernier attrait d'imagination romanesque à l'entrée de la voie sévère. On possède son examen de conscience, écrit par elle-même, après la confession générale qu'elle fit à M. Singlin, le 24 novembre 1661. C'est un morceau à rapprocher de cette autre confession de la princesse Palatine, écrite par celle-ci sur le conseil de l'abbé de Rancé, et si magnifiquement paraphrasée par Bossuet. Il les faut lire sans superbe et d'un cœur simple. Il n'y a dans ces morceaux en eux-mêmes rien d'agréable ni de flatteur. Mais, à ne voir encore qu'humainement et au seul point de vue d'observation psychologique, de telles pièces méritent tout regard, respectus. Si elles nous détaillent le cœur humain dans sa plus menue petitesse, c'est que cette petitesse en est le fond ordinaire, définitif. Elles vont ainsi poursuivre et démontrer petit à tous les degrés de sa profondeur. Madame de Longueville considère ce renouvellement comme étant pour elle le premier pas d'une vie vraiment pénitente. Guillemets. Il y avait longtemps que je cherchais, ce me semblait, la voie qui mène à la vie, mais je croyais toujours de n'y être pas, sans savoir pourtant précisément ce qui était mon obstacle. Je sentais qu'il y en avait entre Dieu et moi, mais je ne le connaissais pas, et proprement je me sentais comme n'étant pas à ma place. J'avais une certaine inquiétude d'y être, sans pourtant savoir où elle était, ni par où il la fallait chercher. Il me semble, au contraire, depuis que je me suis mise sous la conduite de M. Singlin, que je suis proprement à cette place que je cherchais, c'est-à-dire à la vraie entrée du chemin de la vie chrétienne, à l'entour duquel j'ai été jusqu'ici. Fin des guillemets. Note. Supplément au Nécrologe de Port-Royal, in quarto, page 137 et suivante. On peut remarquer dans cet examen de la duchesse de Longueville, et en général dans toutes ces lettres manuscrites dont j'ai vu une quantité, un style suranné et bien moins élégant qu'on ne l'attendrait, beaucoup moins vif et précis, par exemple, que celui des divines lettres et réflexions de Madame de Lavallière, publiées en un volume par Madame de Genlis. C'est qu'il y a 25 ans de différence dans l'âge de ces deux illustres personnes. Madame de Lavallière est une contemporaine exacte de La Bruyère, presque de Fénelon. Madame de Longueville était formée entièrement avant Louis XIV. Mais qu'on aille au fond et au bout de ces longueurs de phrases, la finesse se retrouvera. Et puis, le style de Madame de Lavallière a été lui-même légèrement corrigé dans ses dernières éditions. Reprise. Avant de s'embarquer à écouter sa confession générale, et de s'engager par là à lui donner conduite, M. Singlin voulut d'abord savoir d'elle si elle se sentait disposée à quitter le monde, au cas qu'un jour elle fût à même de le faire. Elle lui répondit en toute sincérité que oui. Cet aveu et ce vœu obtenu, il exigea qu'elle continuât de s'occuper de ses affaires extérieurement, tant qu'il le fallait, et sans lui permettre de les appeler « misérables ». En habile docteur et praticien de l'âme qu'il était, M. Singlin, du premier coup d'œil, lui découvrit son défaut capital. Cet orgueil qu'elle-même avait quasi ignoré, dit-elle, depuis tant d'années. C'est ce qu'aussi la duchesse de Nemours dénonce dans ses mémoires en 100 façons. Il est curieux de voir comme les incriminations de celle-ci, les indications de M. Singlin, et les aveux sincères de Madame de Longueville se rejoignent justement et concordent. Les choses qu'il, l'orgueil, produisait, écrit la pénitente, ne m'étaient pas inconnues, mais je m'arrêtais seulement à ses effets, que je considérais bien comme de grandes imperfections. Pourtant, par tout ce qu'on m'en a découvert, je vois bien que je n'allais pas à cette source. Ce n'est pas que je ne reconnusse bien que l'orgueil avait été le principe de tous mes égarements, mais je ne le croyais pas si vivant qu'il est, ne lui attribuant pas tous les péchés que je commettais. Et cependant, je vois bien qu'ils tiraient tous leur origine de ce principe-là. Elle reconnaît à présent que, du temps même de ses égarements les plus criminels, le plaisir qui la touchait était celui de l'esprit, celui qui tient à l'amour-propre, les autres naturellement ne l'attirant pas. Ces deux misérables mouvements, plaisir de l'esprit et orgueil, qui n'en sont qu'un, entraient dans toutes ses actions et faisaient l'âme de toutes ses conduites. J'ai toujours mis ce plaisir que je cherchais tant à ce qui flattait mon orgueil et proprement à me proposer ce que le démon proposa à nos premiers parents. « Vous serez comme des dieux !» Et cette parole qui fut une flèche qui perça leur cœur a tellement blessé le mien que le sang coule encore de cette profonde plaie et coulera longtemps si Jésus-Christ, par sa grâce, n'arrête ce flux de sang. »